Frédéric baissa la tête. C'était le premier de ses rêves qui s'écroulait. « Console-toi, » dit le fils du capitaine. « La vie est longue. Nous sommes jeunes. Je te rejoindrai. N'y pense plus. » Il est secoué par les mains et, pour le distraire, lui fit des questions sur son voyage. Frédéric n'eut pas grand-chose à narrer. Mais, au souvenir de la Marnoux, son chagrin s'évanouit. Il ne parla pas d'elle, retenu par une pudeur. Il s'étendit en revanche sur Arnoux, rapportant ses discours, ses manières, ses relations. Et Deslauriers l'engagea fortement à cultiver cette connaissance. Frédéric, dans ces derniers temps, n'avait rien écrit. Ses opinions littéraires étaient changées. Il estimait par-dessus tout la passion. Werther, René, Franck, Lara, Lélia et d'autres plus médiocres l'enthousiasmaient presque également. Quelquefois, la musique lui semblait seule capable d'exprimer ses troubles intérieurs. Alors, il rêvait des symphonies. Ou bien, la surface des choses l'appréhendait et il voulait peindre. Il avait composé des vers, pourtant. Deslauriers les trouva fort beaux, mais sans demander une autre pièce. Quant à lui, il ne donnait plus de la métaphysique. L'économie sociale et la Révolution française le préoccupaient. C'était, à présent, un grand diable de 22 ans, maigre, avec une large bouche, l'air résolu. Il portait, ce soir-là, un mauvais paletot de Lasting, et ses souliers étaient blancs de poussière, car il avait fait la route de Villenox à pied, exprès, pour voir Frédéric. Isidore les aborda. Madame priait monsieur de revenir, et craignant qu'il n'eût froid, elle lui envoyait son manteau. « Reste donc !» dit Deslauriers. Et ils continuèrent à se promener d'un bout à l'autre des deux ponts qui s'appuient sur l'île étroite formée par le canal et la rivière.